un type qui ressemble à Max. Il porte une chemise hawaïenne très classe. Il teste des jeux dans son grenier. Des jeux merdiques qui pueraient les pieds. Des anciens jeux qui ont marqué. Pour des raisons qu'on aimerait oublier. C'est un otaku qui joue au grenier. Qui s'énerve sur sa NES ou son clavier. À qui il arrive des trucs insensés. C'est lui, c'est le joueur du grenier. Il fait ses vidéos sur YouTube. Et il parle de vieux jeux qui t'entubent. Il a un book et des lunettes. Portera-t-il des lentilles un jour peut-être? Il aime les mangas, il connaît les mèmes. Quoique sur Nyan Cat, j'ai rien vu de tel. C'est un otaku qui joue au grenier. Qui s'énerve sur sa NES ou son clavier. À qui il arrive des trucs insensés. C'est lui, c'est le joueur du grenier. Il joue au pire jeu de la terre. Quoi que tu fasses, c'est sûr tu perds. Ça l'énerve tellement que... il... je suis fou, ça je me rend fou. Ça je me rend fou. C'est encore raté. Les sauts de ce jeu sont horribles. Ce jeu est affreux. Ces jeux, on essaie de les oublier. Mais c'est dur depuis qu'il est arrivé. Pourquoi les pics le touchent? Pourquoi il se pète la gueule? Pourquoi au lieu d'être 4, je suis en fait tout seul? Les raptors sont trop cons. Ce niveau est trop long. Je suis pas miso, j'ai fait attention. C'est un otaku qui joue au grenier. Qui s'énerve sur sa NES ou son clavier. À qui il arrive des trucs insensés. C'est lui, c'est le joueur du grenier. Qui a déjà joué à Batman, les Simpsons, Tintin, California, Games, les Schtroumpfs, Barbie, Jurassic Park, Virus, Total Recall, Dragon Ball, Dream Starman, Sword of Sodan, Dracar, Sol, Asterix, Watch for World, les Last Battle. C'est lui, c'est le joueur du grenier.